Section 55 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Formation des grands États, 1270-1492. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 13. La Bohême et la Hongrie de l'avènement des dynasties étrangères, jusqu'à la réunion avec l'Autriche, 1290-1526. Introduction et première partie. Bohême, la révolution hussite, par Ernest Denis. On a vu plus haut les succès des deux premiers Habsbourg en Bohême. En outre, Albert Ier avait obtenu, en 1290, l'investiture du royaume de Hongrie. Mais les princes germaniques soutinrent mal les entreprises de cette inquiète famille, dont les progrès surprenants les effrayaient, et Albert mourut, 1308, sans avoir fait reconnaître son autorité. Plus d'un siècle s'écoula avant que ses successeurs reprissent ses desseins. Mais ils ne les oublièrent jamais. L'exemple des Habsbourg devait d'ailleurs susciter de nombreux imitateurs. En effet, les dynasties autrichiennes, magyares ou tchèques, ont dès lors une obscure conscience de la nécessité historique qui impose une étroite union aux divers états de l'Elbe supérieure et du Moyen Danube. Aucun des groupes qui se sont constitués dans cette région n'est assez puissant pour persister dans son isolement, et chacun d'eux cherche à réaliser à son profit une fusion qu'il sent inévitable. De là, la physionomie nouvelle que revêt dès cette époque l'histoire de la Hongrie et de la Bohême. Elle est moins indépendante et comme moins individuelle. Les destinées de ces peuples voisins se rapprochent. L'action réciproque qu'ils exercent les uns sur les autres est plus intense. Une série de tentatives avortées et d'ébauches malheureuses prépare la constitution d'un organisme nouveau jusqu'à ce qu'elles aboutissent enfin, au XVIe siècle, à la formation de la monarchie autrichienne avec Maximilien et Ferdinand Ier. Une des conséquences de cette évolution politique est d'assurer en Bohême et en Hongrie le triomphe complet et définitif des influences occidentales et de créer des traditions et des intérêts qui seront plus puissants que les souvenirs ethniques ou les révoltes instinctives du patriotisme. Par un parallélisme assez curieux, dans chacun des trois pays voisins dont l'Union constituera l'Empire des Habsbourg, le XIVe siècle s'ouvre par une période de prospérité et de gloire à laquelle succède une ère de guerre civile et d'anarchie, que les talents supérieurs d'un Podiébras ou d'un Corvin interrompent seulement pour quelques années et qui finit par livrer à un maître commun des peuples exténués. Dès le XIVe siècle aussi, c'est-à-dire au moment où ils arrivent à l'apogée de leur puissance, les Tchèques et les Magyars ne sont plus complètement maîtres de leur avenir. Les dynasties étrangères qu'ils ont acceptées, bien qu'elles désirent très sincèrement la prospérité des peuples qui se sont confiés à elles, ne la poursuivent pas exclusivement. Elles ont des intérêts trop divers et les soucis de leur politique personnelle, en les engageant dans des complications multiples, ne leur laissent pas le loisir d'assurer sur des bases solides les droits de la monarchie et la sécurité de l'État. À ce point de vue, les règnes de Charles IV et de Louis le Grand ne sont que d'éclatants épisodes sans lointaine portée. Ils ne parviennent pas à arrêter pour longtemps les progrès d'une aristocratie égoïste et turbulente qui, en condamnant le pays à l'anarchie et en réduisant à une dure servitude la masse du peuple, supprime la plus sérieuse garantie de l'indépendance nationale. Le dénouement est déterminé en Hongrie par l'invasion turque, en Bohême par la révolution hussite. Épuisés par les discordes intestines et les luttes étrangères, Magyars et Tchèques demandent un peu de repos et de sécurité à leur union avec l'Autriche. Ils s'aperçoivent bientôt que leurs nouveaux maîtres entendent abuser de leur confiance et transformer en capitulation une alliance librement consentie. Sujets sans avoir été vaincus, ils ne se résignent pas à cette diminution et ils trouvent dans les souvenirs de leur histoire l'énergie nécessaire pour défendre leur nationalité menacée. Quelque agitée que soit cette période de leur vie et quelque lamentable qu'en soit l'issue, l'erreur serait grave de supposer qu'elle ait été stérile et que la gloire conquise ait été vaine. La Bohême, devenue sous Charles IV le centre de l'Empire, a été le foyer d'où la civilisation a rayonné sur l'Europe orientale. Avec Huss, elle a porté le premier coup au système religieux et politique du Moyen-Âge. Avec Ziska et Procope, elle a victorieusement défendu le principe de l'indépendance en matière de foi. La Hongrie, à un moment réunie à la Pologne et parvenue sous Louis le Grand à un haut degré de prospérité matérielle et morale, a prouvé par sa lutte héroïque contre les infidèles que les catastrophes et les conflits incessants provoqués par sa constitution n'ont pas atteint ses forces vitales et ruiné sa foi en elle-même. L'imminence du péril et la grandeur des entreprises ont pour résultat de surexciter à Pécs et à Prague le sentiment national. Jamais il n'a été aussi vif qu'au XVe siècle. Il a les violences et les inquiétudes du fanatisme, il en a aussi l'indomptable énergie. La réaction anti-germanique est si forte que plusieurs siècles d'oppression ne rendront à l'Allemagne qu'une partie du terrain qui fut alors reconquis sur elle. C'est là, en somme, le grand intérêt de cette période historique. Elle prépare l'avenir, elle a rendu possible la renaissance tchèque et hongroise du XIXe siècle. Les Tchèques expieront par une longue décadence et de cruelles souffrances le redoutable honneur d'avoir pris un moment la tête de la civilisation et ouvert au monde des voies nouvelles. Les Magyars sortiront épuisés de leur combat contre les Turcs et leur patrie, saignante de mille blessures, demeurera plusieurs siècles pantelante et morcelée. Mais au milieu de ces gigantesques efforts, le tempérament des uns et des autres s'est trempé. Ils ont acquis d'impérissables souvenirs. Leur sommeil sera toujours hanté par ces rêves de gloire et toutes les tentatives de propagande germanique se briseront contre leur inébranlable résistance. Podiebrad, Ziska, Hunyad et Corvin continuent de nos jours encore à protéger les peuples qu'ils ont défendus. Première partie. Bohême, la révolution hussite. Jean de Luxembourg. La dynastie tchèque des Přemyslides s'éteignit en 1306, presque en même temps que la dynastie magyare des Arpadiens. Les Tchèques, fort peu disposés à accepter pour maître le descendant de ce Rodolphe de Habsbourg, auquel ils ne pardonnaient pas la mort d'Ottakar et la décadence de leur royaume, élurent pour roi Henri de Carinthie, 1307, dont la femme était la sœur aînée de Venceslas III. Dépensier faible, incapable de contenir les factions, Henri se laissa dépouiller de presque tous ses domaines, et les Tchèques offrirent la couronne au fils de l'empereur Henri VII, Jean de Luxembourg, qui épousa la sœur cadette de la reine, Élisabeth. Henri de Carinthie, environné de traîtres, quitta la Bohême, et à sa mort, Jean fut reconnu sans opposition. Avec lui commence la dynastie des Luxembourg, qui se continue en Bohême jusqu'à la mort de Sigismond, 1310-1437. Jean était un administrateur plus que médiocre. Occupé de plaisirs et de fêtes, dissipé, prompt à subir les influences les plus contradictoires, jetant à pleine main au gré de ses caprices l'argent qu'il extorquait à la misère de ses sujets, son imprévoyance distraite provoqua des révoltes dont le pouvoir royal, déjà très affaibli par les capitulations qu'il avait acceptées au moment de son élection, sorti discrédité et avili. Français de naissance et de goût, il se plaisait plus à Paris ou dans ses domaines héréditaires qu'en Bohême, et de 1319 à 1346, il passa plus de 20 ans hors de son royaume. Progrès de la puissance tchèque. L'effacement des Habsbourg laissait le champ libre à l'ambition des Luxembourg. Si Jean n'apporta pas dans la politique extérieure plus de réflexion et de persévérance que dans sa politique intérieure, son agitation ne fut pas sans profit. Il n'est guère d'événements importants auxquels on ne le trouve mêlé. Rien n'arrivait, disaient les contemporains, sans Dieu et le roi Jean. Grand coureur d'aventure, amoureux de belles passes d'armes, il était en même temps un diplomate retors, et son imagination, en quête de butins comme de batailles, ne l'égarait pas toujours. Il ne réussit pas à conserver les conquêtes qu'il avait faites un moment dans le bassin du Pô, mais elles désignèrent son fils Charles au choix des électeurs allemands, 1346. D'autres acquisitions, moins lointaines et plus durables, complétèrent le royaume de Bohême et lui donnèrent des limites qu'il devait conserver jusqu'à la guerre des Trente Ans. Louis de Bavière lui engagea la marche des guerres, qui, tout en conservant pendant plusieurs siècles une administration autonome, ne fut plus dès lors séparée du royaume. Il réunit à ses états la Haute Lusace, Bautzen, 1319, et Görlitz, 1329. En Silésie, les progrès de la germanisation avaient été si rapides que les descendants des Piastes, au moment où le parti national slave reprenait en Pologne l'influence prépondérante, cherchèrent une protection dans la suzeraineté germanique. En 1327, les princes de la Haute-Silésie prêtèrent serment de vassalité à Jean. Leur exemple fut suivi la même année par le duc de Breslau et les années suivantes par la plupart des princes de la Basse-Silésie, 1329-1331. La Silésie forma dès lors, avec la Bohême et la Moravie, que Jean avait aussi rattachée définitivement à ses états, une des grandes provinces de la couronne de Saint-Venceslav, jusqu'au moment où elle devint prussienne, 1743. Dernières années et mort de Jean de Luxembourg. Toutes ces acquisitions remontent aux premières années du règne de Jean. Plus tard, il oublie toujours plus ses devoirs de souverain, s'absorbe dans les affaires italiennes et françaises. Les liens les plus intimes le rattachaient à la maison de France. Sa sœur, Marie, était la femme du roi Charles le Beau, 1322. Lui-même avait épousé en seconde noce Béatrice de Bourbon. Son fils, Venceslav, élevé à la cour de Paris, reçut de son tuteur Charles IV le nom de Charles, qu'il conserva depuis et épousa plus tard une princesse capétienne, Blanche de Valois. À la cour de Philippe VI, alors la plus animée de l'Europe, les vertus chevaleresques de Jean de Bohême, son courage, son luxe, sa générosité lui gagnaient tous les cœurs. Lorsqu'il fut devenu aveugle en 1340, le séjour de la France lui parut plus nécessaire encore. Et en 1341, il abandonna décidément à son fils le gouvernement de ses états. De ce moment jusqu'à sa mort à Crécy en 1346, il ne s'occupa plus de la Bohême que pour remplir son trésor toujours vide. Tous les moyens lui étaient bons, altération des monnaies, emprunt forcé, confiscation, aliénation des domaines royaux. « Je trouvais le royaume dans un tel état d'abandon, écrit Charles dans son autobiographie, qu'il ne restait pas un seul château qui n'eût été engagé. Il me fallut habiter comme un simple bourgeois dans la ville. » L'ancien palais royal avait été détruit par un incendie. Jean le laissait en ruine. Ni administration ni justice. Les barons étaient devenus des tyrans qui ne craignaient pas le roi parce qu'ils s'étaient partagé le royaume. Les guerres privées continuelles avaient amené la formation de bandes de mercenaires qui pillaient le pays et dévastaient les campagnes. Le commerce était interrompu et le peuple gémissait dans l'oppression. Charles IV. Indépendance politique et religieuse de la Bohême. L'empereur Charles IV en Bohême, Charles Ier, 1346-1378, n'était peut-être pas un très grand homme, Mais s'il n'avait rien de ces dons extraordinaires qui frappent l'imagination et séduisent la postérité, il possédait au plus haut degré les vertus et les talents nécessaires pour rétablir dans son royaume la paix, l'ordre et la prospérité. Unissant à un rare degré la fermeté et la modération, son intelligence avisée et prudente, sa raison éclairée et rebelle aux aventures, son sens droit, font certainement de lui un des meilleurs rois du Moyen Âge. Par son profond sentiment de sa mission et de ses devoirs, par son respect pour les droits acquis, par sa piété sans faiblesse, il rappelle Saint Louis. Réformateur et non révolutionnaire, il n'abandonne rien des prérogatives de la couronne, parce qu'il y voit avec raison la garantie de l'ordre public. Mais il ménage les privilèges des seigneurs et des diètes, et il parvient ainsi, sans provoquer de résistance sérieuse, à porter la monarchie au plus haut degré de pouvoir qu'elle ait jamais atteint en Bohême. Charles IV, disait l'empereur Maximilien Ier, fut un beau-père pour l'Allemagne, un tendre père pour la Bohême. La phrase a été souvent répétée depuis. Il est certain que la deuxième partie de l'antithèse est vraie. Aujourd'hui encore, écrit le grand historien tchèque Palatsky, ce nom fait déborder de reconnaissance et d'admiration tout cœur bohème. Cette reconnaissance, Charles l'a méritée non seulement par l'éclat momentané que lui a dû la Bohème, mais parce qu'il l'aimait d'un amour sincère. Le premier, il a compris quel rôle lui réservait sa situation géographique. Occupée par une population slave et profondément pénétrée de civilisation latine, elle était l'intermédiaire naturel entre l'Europe orientale et l'Europe occidentale. Mais, pour remplir sa mission, il fallait qu'elle conservât son individualité distincte. Charles, loin d'abuser de son titre impérial pour la fondre plus étroitement avec l'Allemagne, s'appliqua à définir plus nettement son autonomie politique et religieuse. Il confirma en 1348 tous les traités et privilèges par lesquels les empereurs précédents avaient reconnu les droits souverains des successeurs de Saint Venceslas, et la bulle d'or de 1356 étendit encore l'indépendance du roi de Bohême. Il resta toujours grand échanson et devint le premier électeur laïc de l'Empire. Mais ce lien purement personnel n'impliqua aucune vassalité. D'autre part, la fondation de l'archevêché de Prague, en 1344, affranchit les Tchèques de la suzeraineté religieuse des archevêques de Mayence. Charles IV et la nationalité slave. Le péril dont les prétentions intermittentes des empereurs menaçaient la Bohême était devenu assez faible depuis le grand interrègne. Mais l'anarchie politique de l'Allemagne n'avait pas arrêté sur le champ sa marche vers l'Est, et l'infiltration germanique, si malheureusement encouragée par les prémislides, avait continué, bien qu'avec moins de force. Au XIVe siècle, les Slaves de Bohême sont entourés de tous côtés et comme assiégés par les Allemands. Ils ont perdu non seulement tout le territoire compris entre Eger, Kinzwart et Andjelska Ora, mais tout le versant intérieur des monts des géants, des monts métalliques et de la forêt de Bohême. Les districts de Presnitz, Chomutov, Komoto, Königstein, Kripska, Kreipnitz, Libretz, Reichenberg, Zatetz, Zatz, Trutnov, Trutno, sont allemands. À l'ouest, la ligne des colonies étrangères est un moment interrompue. Mais les Allemands tiennent une importante enclave qui dépasse Lilava, Iglo, au sud et atteint Niemetzki Brod, Deutsch Brod. Dans la Moravie, ils occupent les deux rives de la Dia, Taya, et les territoires d'Opava, Tropo, Olomouc, Olmouc et Brunno, Brune. Soustraits aux tribunaux ordinaires, ces colons sont en relation intime avec les villes qui sont toutes allemandes. Le tchèque est exilé dans sa propre patrie. Dans les cités, l'allemand est la langue de l'administration, de la justice, de la chaire, de l'enseignement. Là où le slave se maintient encore, il se mêle d'éléments étrangers, se corrompt et semble devoir naître plus bientôt qu'une sorte de patois. Diverses causes sauvèrent cependant les Tchèques du sort qu'avaient subi les Slaves de l'Elbe. Ils étaient plus nombreux, mieux protégés par la géographie, formaient un État plus compact, avec une histoire déjà glorieuse, des traditions, une littérature. Depuis quelque temps aussi, l'immigration allemande tendait à cesser, et la décadence de l'Empire laissait les colons sans protection, au moment même où ils se trouvaient menacés dans leur nouvelle patrie par des dangers imprévus. Les seigneurs bohèmes, après avoir partagé quelque temps la manie germanophile des rois, bientôt mieux avisés, détestaient dans la bourgeoisie les protégés et les auxiliaires des souverains. L'opposition populaire jusqu'alors impuissante avait désormais des chefs. Peu à peu, une réaction nationale se produisait, d'abord incertaine et timide, bientôt plus audacieuse. Par une revanche inattendue de la fortune, ce fut un souverain allemand qui favorisa cette résurrection de l'idée slave en Bohême. Charles IV aimait la langue tchèque. Quand il fut chargé pour la première fois des fonctions d'administrateur du royaume, il éprouva une réelle tristesse à constater que pendant son long séjour en France, il avait à peu près complètement oublié l'idiome de ses sujets. Il le rapprit vite et le parla aussi facilement que le français, le latin, l'allemand ou l'italien. Un article de la Bulle d'Or recommande aux électeurs et aux princes allemands de faire apprendre le tchèque à leur fils, car c'est une langue honorable et utile. Dans le royaume, il s'efforça de le tirer de l'état d'infériorité où il était réduit, permit de l'employer dans les conseils municipaux, ordonna aux bourgeois de l'enseigner à leurs enfants. Les Allemands n'en avaient aucune envie, et l'autonomie des villes leur permit d'éluder les ordonnances royales. Elles ne furent pas stériles cependant, et veillèrent l'attention et l'espérance du menu peuple, furent la première indication d'un programme d'émancipation. En même temps, Charles IV encourageait les prédicateurs tchèques, et en fondant la nouvelle ville de Prague, où l'élément slave ne tarda pas à être prépondérant, il ouvrit comme une brèche dans la bourgeoisie étrangère et prépara la révolution qui devait conquérir Prague aux Tchèques et en faire la vraie capitale du pays. Il paraît même avoir eu le désir de renouer les liens qui avaient jadis rattaché les Bohèmes aux autres Slaves, et il obtint du pape Clément VI l'autorisation de fonder à Prague un monastère où, comme jadis au couvent de Saint-Procope sur la Sazava, on suivit la liturgie paléoslave 1347, il y appela des moines croates. Gouvernement et politique extérieure de Charles IV. L'indépendance de la Bohême ne serait assurée que si une constitution régulière la préservait à l'avenir des conflits et des guerres civiles qui avaient si souvent provoqué l'intervention étrangère. La décadence du pouvoir royal en Bohême ne tenait pas uniquement à la médiocrité de ses derniers princes et à la prodigalité de Jean, elle était la conséquence de l'introduction du régime féodal. Les anciennes institutions slaves, qui désormais ne reposaient plus sur rien, n'offraient aucun point d'appui au souverain. Charles IV ne pouvait pas songer à rétablir un ordre des choses à jamais disparu. Il s'efforça d'organiser le nouveau régime et de concilier avec les prérogatives des classes privilégiées l'autorité monarchique et la prospérité publique. Les seigneurs refusaient, il est vrai, en 1355, d'accepter la Majestas Carolina qui, en fixant avec précision les droits respectifs du souverain, de la noblesse et du peuple, aurait mis fin pour toujours à leurs empiétements. Mais Charles gagna en détail ce qu'il n'avait pu obtenir d'un coup. Il dégagea un grand nombre de domaines royaux aliénés à vil prix et il accrut ainsi les ressources de la couronne et son prestige. Le principe de l'hérédité du trône fut solennellement proclamé et le droit d'élection des diètes ne dut plus s'exercer que dans le cas où la famille royale viendrait à s'éteindre. La Silésie et la Lusace furent définitivement réunies à la monarchie et l'unité encore un peu flottante de l'État fut scellée par la convocation de diètes générales où siégèrent les représentants des diverses provinces. La Bohême fut répartie en 12 cercles dont chacun eut son tribunal et ses administrateurs. Un tribunal suprême réuni à la haute juridiction d'importantes attributions politiques. À côté de l'administration du pays sur laquelle les diètes exerçaient une haute surveillance, Charles organisa une administration royale et le sous-chambellan, représenta l'autorité monarchique vis-à-vis des bourgeois, des juifs et des sujets du domaine. Les guerres privées furent interdites, les brigands sévèrement poursuivis, la justice améliorée, les jugements de Dieu supprimés. Plus prévoyant que ses prédécesseurs, Charles chercha un appui contre les usurpations féodales, non dans les colons étrangers mais dans la masse du peuple. Il ne contesta pas aux seigneurs leur autorité patrimoniale, mais ne leur permit ni de l'étendre, ni d'en abuser. Les paysans, auxquels beaucoup de propriétaires refusaient le droit de porter plainte contre leur maître, trouvèrent auprès de lui une protection vigilante. Le droit allemand, c'est-à-dire la coutume sous laquelle vivaient les colons appelés d'Allemagne, devint le droit de la plus grande majorité des habitants des campagnes. Possesseurs emphytéotiques de leurs terres, garantis par des traités contre les redevances et les corvées arbitraires, maîtres de laisser leurs biens à leurs enfants y protéger dans leurs libertés individuelles, les paysans s'attachèrent au roi et leur activité confiante accrut la prospérité générale. Le pays, dont les guerres civiles avaient si longtemps arrêté les progrès, prit alors un rapide développement. La bière de Bohême était déjà célèbre, des cèpes furent apportés de Bourgogne. Les environs de Prague et de Mielnik se couvrirent de vignobles, et la culture du vin se répandit de là dans plusieurs des districts septentrionaux. Des fabriques de papier et des verreries furent fondées, la fabrication des draps améliorée. Les villages, mieux bâtis et plus propres, témoignèrent de l'aisance publique. Aeneas Silvius s'étonnait, un siècle plus tard, de trouver des fenêtres vitrées jusque dans les habitations des paysans. Les anciennes routes furent entretenues avec soin. De nouvelles furent construites, beaucoup de péages supprimés. Les marchands italiens, allemands et silésiens attirés et protégés. Les mines, mieux exploitées, donnèrent d'importants revenus et les altérations de monnaie cessèrent. Le cours de l'Elbe fut régularisé et un canal projeté entre la Vlava, Moldau et le Danube. Charles IV redoutait les aventures, mais au milieu de l'anarchie qui continuait à désoler l'Allemagne, l'ordre qu'il avait établi dans ses États lui donnait de grands avantages. Il profita habilement des occasions qui s'offraient. Dans le Haut-Palatinat, d'importantes acquisitions couvrirent la frontière occidentale de la Bohême et l'étendirent jusqu'aux portes de Nuremberg et de Ratisbonne. Ceux des princes silésiens qui n'avaient pas reconnu la suzeraineté de Jean se soumirent à Charles, et la province tout entière fut ainsi annexée à la couronne. Un traité lui livra le Brandebourg et la Basse-Lusace qui en dépendaient. 1373. L'Elbe redevenait un fleuve slave. Mais les Ascaniens avaient trop profondément germanisé ces régions pour qu'il fût désormais possible de les arracher à la domination de l'Allemagne, et Charles semble l'avoir compris lui-même. À sa mort, il sépara le Brandebourg et la Bohême. Son ambition se portait plutôt vers le Danube. Reprenant la pensée d'Ottakar II, il faisait épouser à son fils Sigismond, la fille du roi de Hongrie et de Pologne, Louis le Grand, et il cherchait à préparer l'annexion de l'Autriche. Un traité conclu avec le duc Rodolphe IV, 1364, assurait la possession éventuelle des domaines des Habsbourg et des Luxembourg à celle des deux familles qui survivraient à l'autre. Un siècle plus tard, lorsque cette convention d'héritage parut menacer l'indépendance tchèque, Georges de Podiebrad obtint de l'empereur Frédéric III qu'il renonça aux avantages qu'elle offrait aux Habsbourg. À diverses reprises cependant, ceux-ci se réclamèrent du traité de 1364 et essayèrent de justifier par lui leur prétention à la couronne de Saint-Venceslav. Mais à l'époque de Charles IV, rien ne faisait supposer un pareil revirement de la fortune, et si ses successeurs gaspillèrent l'héritage qu'il leur avait laissé, il y aurait une criante injustice à leur rendre responsable. Les lettres et les arts. Charles IV avait appris, pendant son séjour en France, à aimer les lettres et les arts. Fort instruit lui-même, il s'intéressait surtout aux œuvres historiques et théologiques, et il inspira plusieurs travaux importants. Il avait écrit une autobiographie qui fut ensuite traduite en bohème par Pulcava, et ce fut aussi sur sa demande que Pulcava, 1380, écrivit sa chronique latine, qu'il traduisit plus tard en tchèque. En relation suivie avec Pétrarque, protecteur des écrivains allemands, le plus célèbre des poètes de l'Empire, Henri de Mügen vécut longtemps à sa cour et lui dédia son poème le plus connu. Il encourageait aussi les essais de la littérature tchèque. Elle était dès lors assez féconde, traduisait ou imitait les œuvres les plus répandues, épopées chevaleresques, poésies didactiques ou allégoriques, légendes et traités philosophiques. En général, les auteurs tchèques de cette période sont de dociles imitateurs de l'étranger. L'influence allemande a été si profonde et si générale que l'on ne songe guère à la discuter. Peu à peu cependant, une certaine résistance se manifeste, d'abord naturellement peu sérieuse et tout extérieure. Smil Flaska de Pardubice, 1403, bien que son patriotisme soit sincère et que, à l'exemple de Dalimil, il attaque volontiers les étrangers, s'est formé à leur école. Il est absolument pénétré des idées féodales et sa manière rappelle de près la manière allemande. Pourtant, c'était quelque chose déjà que ce respect de la langue populaire. Le tchèque sortait de la longue enfance où l'avait maintenu la lourde éducation de ses maîtres. La Bible était traduite presque tout entière. Divers travaux juridiques attiraient l'attention sur les anciennes coutumes slaves. Et c'est timide qui prépare le grand effort d'émancipation du XVe siècle. Il trouvera bientôt un éminent représentant dans un des plus illustres écrivains tchèques, Štětný. Prague, qui depuis la fondation de la nouvelle ville était formée de 3 communes distinctes, avait dès lors l'aspect et l'importance d'une capitale. Son commerce était très actif et les étrangers y affluaient. Charles IV l'enrichissait de splendides monuments qui en font encore aujourd'hui une des cités les plus pittoresques du monde entier. Sur la recommandation du pape, il avait appelé maître Mathieu d'Arras qui jeta sur la Vlava un pont magnifique et commença la construction de l'admirable cathédrale de Saint-Vite. Elle fut continuée après la mort de Mathieu par Pierre Parlet, d'origine polonaise, qui, à la fois architecte, sculpteur, ciseleur et peintre, fait songer à Michel-Ange par la variété de ses aptitudes et la grandeur de ses conceptions. Charles IV lui confia aussi la construction du château de Karlstein, où furent gardés les joyaux de la couronne et les chartes les plus importantes. Prague se couvrit de couvents, d'églises, le Tin, Notre-Dame-des-Neiges, et sur les hauteurs qui dominent la rive gauche de la Vlava, se dressa le château royal, les Hradčany, commencés sur le modèle du Louvre. Le mouvement ne fut pas confiné dans la capitale. Les villes, et souvent même les villages, s'ornèrent de monuments imposants. Un siècle plus tard, même après les dévastations des guerres hussites, Sylvius, parcourant la Bohême, s'étonnait du nombre et de l'importance de ces édifices et affirmait que seule l'Italie et la France pouvaient être comparées à la Bohême. Comme presque toujours, le développement de l'architecture provoqua celui des autres arts. La cathédrale de Prague et le château de Karlstein devinrent alors 2 centres autour desquels se concentra la vie artistique d'alors. Et l'empereur, avec un sens très fin, eut soin de faire une juste part dans son œuvre aux différents arts. Gruber. Des peintres furent appelés de l'étranger. Thomas de Bodène, Nicolas Würmser de Strasbourg, ce précurseur de Martin Schongauer et de Jean Holbein. À côté de ces maîtres italiens ou allemands, d'autres représentèrent avec éclat l'école tchèque et en maintinrent les traditions. Elle exerça une influence marquée sur les pays voisins. Les grandes œuvres des peintres d'alors ont disparu, détruites pendant les guerres civiles ou rongées par le temps. Mais si nous ne possédons plus rien de Théodore de Prague, nous avons encore 2 chefs-d'œuvre de Zbigniew de Trotina, le Liber Viaticus de l'évêque Jean de Litomyshl et le livre de prière d'Ernest de Pardubice, archevêque de Prague. De cette époque aussi, viennent la plupart des manuscrits ornés de miniatures qui font l'orgueil des grandes bibliothèques tchèques et dont le Musée national de Prague conserve d'admirables spécimens. Fin de la section 55, lue par Christine.